centre et l'est, en revanche, vont encore bénéficier d'un temps très lumineux. Il va faire chaud demain aussi avec 23 à 27 degrés. Dans la nuit de samedi à dimanche, une perturbation va glisser sur la Belgique. Elle va donner quelques gouttes, tout au plus. Ce qui fait que dimanche, même si on aura un temps généralement sec et 20 à 25 degrés, eh bien on aura tout de même plus de nuages. Excellent après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. Voici le titre du 13h. Une semaine après le coup de massue, on s'organise autour de Caterpillar Gosselies. Les banques sont prêtes à intervenir pour tenter de sauver les entreprises sous-traitantes et les travailleurs les plus touchés. 33 personnes viennent de passer la nuit dans un téléphérique à 3200 mètres d'altitude. Ce n'était évidemment pas volontaire. Elles prennent malgré tout leur expérience avec philosophie. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal aussi, un point sur le mémorial Van Damme et un fameux 400 mètres ce soir. Il pourrait voir s'affronter trois Borlés. Le journal de la mi-journée présenté par Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Une marche pour soutenir les travailleurs de Caterpillar. Une marche organisée par la FGTB et Nonamur. Marche pour l'emploi. Marche pour dire stop aux logiques financières inhumaines. Ce sera vendredi prochain à Charleroi, 15 jours après l'annonce de la fermeture du site de Gosselies. Les travailleurs de Caterpillar Grenoble, où la production Carolo doit être transférée, seront en grève la veille et une délégation sera présente vendredi prochain à Charleroi. Ce vendredi, une semaine après l'annonce, Jean-Claude Marcourt, le ministre wallon de l'économie, a rencontré les banques. L'objectif, c'est de venir en aide aux entreprises touchées, aux travailleurs touchés. Comment ? En travaillant au cas par cas, Rick Vandenberg, CEO de ING, détaille les différentes solutions. Revoir les conditions de crédit, c'est-à-dire surtout peut-être la durée d'un crédit, donner un crédit de bon, voir s'il y a d'autres solutions. Aussi pour les travailleurs, ce qui sera très important, c'est que quand ils touchent des indemnités à certains moments, c'est de bien faire un bon usage de ces indemnités pour justement les aider à avoir une bonne pérennité de leur situation financière. Je pense qu'on a l'expérience, malheureusement, mais on a l'expérience avec le dossier Ford Genk où le secteur bancaire, ensemble avec les autorités, ont mis en place certains mécanismes de suivi pour trouver des solutions. Je pense que finalement les résultats qu'on a dans ce dossier-là sont assez favorables, donc il faut continuer dans cette direction. On doit être très très proactif. On a mis en place pour les banques toute une organisation avec un point central et puis chaque banque aura des points de contact. Il n'y a pas de temps à perdre en fait. Rick Vandenberg, le patron d'ING, qui préside aussi FEBELFIN, la fédération bancaire. Il était interrogé par Marie-Paul Jeunhomme. Paul Magnette, le ministre président wallon et bourgmestre de Charleroi, lui a rencontré les patrons des entreprises qui font offre d'emploi pour les travailleurs licenciés de Caterpillar. Il était décidé de créer une base de données avec toutes les offres et les demandes disponibles, histoire de travailler efficacement, avec cohérence, même si du côté des autorités politiques, on espère encore limiter la casse et sauver quelques emplois chez Caterpillar. Et puis, quelles seront les conséquences chez les sous-traitants ? Eh bien, ce n'est pas encore très clair. Hein. Les 220 travailleurs de Carwal, par exemple, n'en savent pas beaucoup plus sur leur avenir. Un conseil d'entreprise avait lieu ce matin. On ne parle pas de licenciement pour l'instant. Les syndicats sont très prudents. Ils savent que Carwal ne pourra pas survivre longtemps si elle ne trouve pas de nouveaux clients. Carwal qui espère toujours que Caterpillar ne délocalisera pas complètement la production. Mais il faut savoir que le géant américain n'a toujours donné aucune indication à ce sujet. Carwal travaille à 90% pour Caterpillar. Cet important incendie dans un hangar agricole de Chenois dans l'entité de Virton. L'alerte a été donnée à 1h46 ce matin. Les pompiers sont toujours sur place. Probablement un phénomène d'autocombustion dans le hangar qui contenait du fourrage. La protection civile de Libramont a été appelée en renfort. On saura le 10 octobre si VW risque un procès en justice en Belgique pour trafic, pour pratique trompeuse. Test Achat a introduit une action action collective. Elle a rassemblé 7000 dossiers. Les propriétaires de VW qui estiment avoir été grugés dans l'affaire des logiciels trafiqués, les fameux logiciels qui sous-estimaient les résultats des contrôles anti-pollution. Tout ce beau monde demande le remboursement des véhicules. Le tribunal examine d'abord si la plainte de Testachat et des automobilistes est recevable. On sera donc fixé le 10 octobre. Si c'est le cas, les plaignants peuvent encore tenter de trouver un arrangement à l'amiable avant d'entamer un procès en justice. On a tous l'air des bronzés fonds du ski en tête, hein, l'air de l'étoile des neiges. Jean-Claude Duss, alias Michel Blanc, coincé sur un télésiège. Eh bien, figurez-vous que c'est arrivé réellement et ça n'avait rien de drôle, hein, pour les 33 passagers des télégabines qui viennent de se retrouver coincés toute une nuit dans le massif du Mont Blanc. En fait, hier soir, des câbles de télécabine se sont emmêlés. Tous les passagers sont restés en l'air. On a pu en sauver quelques-uns avant la nuit, mais 33 personnes ont passé toute une nuit à 3600 mètres d'altitude. Ce matin, tout a été réparé. Les télécabines ont redémarré et les passagers ont retrouvé la terre ferme. Récit Aline Wavreille. Sa télécabine est restée immobile plus de 15 heures, suspendue à 3600 mètres d'altitude dans le massif du Mont Blanc. Une expérience hors du commun, mais qui ne restera pas qu'un mauvais souvenir pour Alain. Il était un des passagers bloqués. On a discuté, on a rigolé, et puis on a regardé le soleil se coucher, et puis voilà, qu'on a attendu patiemment les informations, et puis ce matin, ils se sont dépannés, puis on arrive. On a eu froid, évidemment, mais pas plus que ça, quoi. On n'a pas les mains gelées, tout va bien. Ah non, on a pris d'être mal en patience, hein. On n'a pas le choix, hein. Forcément, comme ça, que ça doit se passer, hein. Attendre. Attendre avec des couvertures et de l'eau. Après cette nuit particulière, une personne souffre apparemment d'hypothermie. Mais selon le commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, il n'y a pas de détresse vitale. L'accident s'est déclaré hier dans l'après-midi. La plupart des passagers ont d'abord été élitreuillés, mais les conditions météorologiques se sont gâtées. Certaines personnes ont dû attendre jusqu'à ce matin. D'autres ont été descendues en rappel, comme cette touriste américaine. Nous sommes restés coincés près de 10 heures dans la télécabine. Les câbles sont tombés en panne autour de 14h30 de l'après-midi et il était juste avant minuit quand les secours ont finalement pu nous descendre en rappel, ce qui a été une expérience. Les secours français et italiens ont travaillé ensemble. Désormais, il faudra déterminer les raisons pour lesquelles les câbles se sont emmêlés. La coupable pourrait être une rafale de vent. En France encore, l'arrestation de trois femmes dans l'affaire des bonbonnes de gaz retrouvées dans un coffre de voiture près de Notre-Dame de Paris. Trois femmes radicalisées suspectées de préparer un attentat terroriste. Une des femmes radicalisées était aussi fichée en Belgique, Patrick Michal. Elle s'appelle Inès Madani, elle a 19 ans, son nom est désormais partout sur Internet. Elle est suspectée d'avoir joué un rôle important dans le projet d'attentat à Notre-Dame. Radicalisée depuis plusieurs mois, elle a un profil de recruteuse pour la Syrie et c'est dans ce contexte qu'elle a noué des contacts dans la région de Charleroi. Des contacts avec des candidats au départ vers la Syrie, deux au moins auraient tenté de partir vers les zones de combat il y a plusieurs mois, raison pour laquelle le nom d'Inès Madani apparaît dans une enquête de la police fédérale. Inès Madani avait des contacts avec la Syrie via des fils de contact comme Telegram. La justice française soupçonne désormais le français Rachid Kassim en Syrie d'être l'instigateur du projet d'attentat. C'est déjà lui qui a revendiqué l'attentat de Nice, lui aussi qui a mis en contact les deux meurtriers du curé de Saint-Étienne-de-Rouvray. En Espagne, un train a déraillé, un train qui partait du nord-ouest de l'Espagne jusqu'au Portugal. L'accident a fait au moins 3 morts. En Inde, c'est un accident de bus qui a fait 21 morts. Le chauffeur utilisait son GSM. Il a perdu le contrôle du véhicule. Le véhicule est tombé d'un pont, une chute de 9 mètres de haut qui a fait donc 21 victimes et 30 autres passagers blessés à des degrés divers. Le départ réussi d'Osiris. La NASA a envoyé une sonde appelée Osiris Rex vers un astéroïde. Le trajet va durer 2 ans. Objectif, prélever des échantillons de cet astéroïde, les ramener sur Terre, ce qui devrait permettre de mieux comprendre comment la vie est apparue il y a plus de 4 milliards d'années. Il faudra 7 ans pour connaître les résultats. Le branle-bas de combat autour du stade Roi Baudouin. 45 000 personnes attendues pour le mémorial Van Damme. Il reste quelques dizaines de places à vendre cet après-midi au stade directement. Le Van Damme, c'est le rendez-vous des fans d'athlétisme. Cette année, la délégation belge de retour des JO sera mise à l'honneur. Et puis sur la piste, il y aura aussi un fameux 400 mètres, fratricide, où s'affronteront normalement Dylan, Kevin et Jonathan Borley. Ils espèrent finir en beauté une saison un petit peu compliquée, Samy Grimberg. Le 400 mètres du Memorial Van Damme sera un peu particulier pour Dylan Borley. Tout simplement parce qu'il courra contre ses deux grands frères, chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Bien évidemment, il ne part pas favori, mais il espère profiter de la situation pour réaliser un bon chrono. C'est toujours particulier de courir avec mes frères, et encore plus au Memorial Van Damme devant notre public. Je suis sûr qu'eux vont donner le meilleur d'eux-mêmes, et moi, on verra bien ce qui se passe, mais j'espère un peu les titiller. Kevin, champion d'Europe de la distance en 2010, espère pouvoir profiter de ce moment spécial. Espère seulement parce qu'une blessure à la cheville laisse planer le doute quant à sa participation. Il attendra le dernier moment pour prendre une décision, et s'il reçoit le feu vert médical, il se concentrera avant tout sur sa performance. On commence à avoir l'habitude, ça va être chouette de partager ce moment Van Damme ensemble. On ne fait pas trop attention à ce qui se passe, on essaie de faire notre course, de courir le mieux possible. Pour Jonathan, le troisième frère, cette rivalité de courte durée est avant tout une occasion en or de finir en beauté une saison compliquée. On arrive à se dépasser quand on court l'un contre l'autre, donc je pense que ça sera encore le cas vendredi, et ça peut nous permettre de courir vite, de faire un beau chrono. Les trois frères ne comptent pas se faire de cadeaux, mais leur rivalité sera saine. Comme le résume Dylan en quelques mots, que le meilleur gagne. Et c'est bien sûr à suivre en direct dès 19h sur Vivacité. L'inforoute avec Antoine Binamé, des soucis dans les travaux à Cherat. Oui, sur le 40 qui relie Bruxelles à Aix-la-Chapelle, vous perdez actuellement depuis 11 une quarantaine de minutes en direction d'Aix-la-Chapelle en cause d'un camion qui est en panne dans ses fils. Accident sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles, donc dans l'autre sens à hauteur de Warem, bande de gauche neutralisée vers la capitale. Accident sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur de Votem, là c'est la bande de gauche qui est neutralisée vers Liège. Et puis le gros souci à cette heure-ci, c'est ce camion couché sur le flanc sur le 40 Gand-Bruxelles à hauteur de Ternat. Bande de droite neutralisée. 11 km de fil depuis Alst. Vous perdez actuellement presque 1h30. Évitez le secteur si c'est possible et les fils dans l'autre sens vers la côte. Une dizaine de minutes perdues en cause de la curiosité des automobilistes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et maintenant, on prend la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Vous allez vous occuper de notre assiette. Absolument. De notre frigo, peut-être. De tout aussi. De tout. On prend tout en considération. On prend tout en compte. Le congélateur aussi. Vous allez m'enlever les glaces aussi. Est-ce qu'on peut, on peut lui laisser une glace, professeur Joyeux? Oui. Ouf. Sorbet. Sorbet. Très bien. Sorbet. Il y a moins de lactose. Parfait. Il n'y en a pas. Ça va? Il y a du fruit. Parfait, parfait. Du vrai fruit, et mais du bon. Vrai, du bon. Bon, on a, à mon avis, on va encore remuer un peu les consciences cet après-midi. Merci pour ce journal. L'info revient à 14h. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi 9 septembre. Le professeur Joyeux sera donc en conférence exceptionnelle à Mons ce vendredi et nous le recevons en émission cet après-midi. Il abordera donc le thème nutrition, prévention des maladies de civilisation, diabète, obésité, cancer, maladies auto-immunes, des rhumatismes à l'Alzheimer. Je pense qu'on pourra envisager tout ça. C'est l'occasion donc de faire connaissance avec vous, Henri Joyeux. Vous êtes né à Montpellier. Vous êtes écrivain, vous êtes conférencier, vous êtes ancien professeur des universités, praticien hospitalier de cancérologie et de chirurgie digestive. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres. Nous allons nous en tenir à ce livre que je tiens en main, que j'ai parcouru, Changer d'alimentation. Vous dites donc que l'organisme humain est très cohérent, que si nous lui donnons les bons aliments, nous avons le maximum de chances de rester en excellente santé ou au maximum de nos capacités physiques, intellectuelles et affectives. Et ça, je vous rejoins, je pense en effet que mon organisme a l'air cohérent et que, mais parfois mon organisme demande, voyez, des choses qui sont peut-être pas non plus les meilleures. Des petites addictions, comme ça. Vous pensez que c'est une addiction? C'est pas nécessairement une addiction, mais c'est simplement que vous êtes très soumise à la publicité, parfois, peut-être. Moi, non. Non, pas trop, moi. Pas trop. Non, pas trop. Bon, ça, c'est déjà un point essentiel. Je suis pas télé du tout. Là, vous avez gagné un point. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais le problème, si vous voulez, c'est que nous avons besoin, quand nous avons tous du stress dans la journée, dans la semaine, etc., nous avons besoin de petits câlins sur l'estomac, vous voyez, sur le palais des saveurs. Vous voyez que je dis pas la bouche, parce que la bouche, c'est pour se rouler des pelles. Mais par contre, le palais des saveurs, ma femme me dit que je suis poète. Le palais, c'est l'anatomie et les saveurs. c'est les papilles de la langue. Oui. Savez-vous tous les combien vous refaites les papilles de votre les langue les 10 jours. 10 jours, parce que je, mais je vous ai mais vu vous chez avez Drucker. Gagné 2 points, ah là. Non, mais je vous ai vu chez Drucker. Ah, donc vous m'avez écouté chez Drucker. Bah, oui. Évidemment. Oui. Avec Sophie Marceau. Avec Sophie Marceau, ah, tout à fait. Je préfère Sophie à Drucker. Entre nous, bon, j'aime bien les tout deux. Tout à fait, mais, tout à fait. Mais c'est Sophie Marceau qui vous a fait venir en plus. Oui, c'est elle qui m'a invité, je ne savais pas pourquoi. Mais tant que vous parlez d'elle, parce qu'on a relevé justement ce qu'elle a dit de vous, parce que moi, vos conférences, je ne les connais pas. Je vous connais évidemment par communiqué de presse, on va dire. Mais moi, je ne suis jamais allée vous écouter. Alors, j'ai demandé à Sophie Marceau hein, ce qu'elle pense de vos conférences et voilà ce qu'elle m'a dit. Non, mais blague à part, je trouve vos conférences absolument d'abord très drôles et tellement pleines de bon sens et tellement essentielles parce que c'est fondamental quand même ce que nous absorbons, ce que nous mettons dans notre corps. Bien sûr. Et je trouve que vous avez une façon tellement simple, tellement accessible et tellement... comme, encore une fois, pleine de bon sens sur ce qui est à la portée de chacun. Et je pense que c'est même aujourd'hui fondamental de reprendre un peu contact avec ces choses simples, parce que sinon, on voit des désastres au niveau de l'alimentation. Beaucoup de maladies. Alors moi je vous vois chez Drucker, j'entends Sophie Marceau dire ça, j'ai mon ami qui vous fait venir en Belgique qui me dit est-ce que ça te dit de recevoir le professeur Henri Joyeux, je dis oui bien sûr, et vous êtes là. Avec grand plaisir. Et comme ça c'est notre histoire qui commence à s'écrire maintenant, ok? Tout à fait. On va le faire pendant 2 heures alors, avec nos auditeurs 070 23 33 23 SMS 3063, venez vraiment poser vos questions sur tout, parce que j'ai tout relevé, le lait, les le façons, pain. Le pain, les modes de cuisson, les sucres, les allergies, les légumes, les fruits, le saucisson, les poissons, les maladies bien sûr comme l'ostéoporose, le cancer, l'Alzheimer et encore d'autres. Bref, venez poser toutes vos questions et on les lira bien entendu hors antenne et on choisira les questions les plus pertinentes. Allez, c'est parti avec professeur Henri Joyeux, je suis vraiment contente d'être là. Go. La vie du bon côté. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. Adèle sur Vivacité. Le professeur Henri Joyeux et des nôtres. Changer d'alimentation. On s'en tient à ce livre, la 7e édition, revue et augmentée avec index. Ça fait quand même 440 pages, hein, l'air de rien. Vous m'avez dit, hors antenne, ça j'ignorais complètement, que votre dernier livre, c'était Amour et sexualité. Parlez-en tôt à vos enfants, ouais, pour les protéger. D'accord. De quoi ? Pédophilie ? Inceste ? Pornographie. Donc ça, c'est autre chose, c'est tout à fait un autre domaine que santé. Vous abordez. C'est la santé. C'est la santé au sens large. Ah oui, oui, oui. Moi, je m'intéresse à tout. Oui. Vous comprenez ? La tête aux pieds. Oui. Or, il y a des coins dans le corps qui sont importants. Tout à fait, tout à fait. Les hommes appellent ça la pièce maîtresse. Oui. Les femmes, je ne sais pas. Bon, voilà, donc ça, on ne sait jamais. On recevra une prochaine fois par rapport à ça. Donc aujourd'hui, nous abordons les grandes questions que tout le monde se pose, hein, malgré tout, les risques liés à l'obésité, voire au surpoids. Quid du lait de vache pour l'homme, le gluten, nous parlerons des meilleurs moyens de cuisson, la consommation de la viande rouge, les bienfaits des fruits frais, les bienfaits de l'activité physique, les méfaits du stress, enfin voilà tout ce dont on parle tous les jours. Venez poser vos questions, venez peut-être justement confronter ce que vous avez entendu dire avec ce que lui a envie de vous dire. Et puis bah voilà, vous en faites ce que vous devez en faire. 070 23 33 23 SMS 30 63 et s'il est là, c'est parce qu'il sera en conférence ce soir à Avray, région montoise. Je vous donnerai un numéro de téléphone plusieurs fois parce qu'il vaut mieux réserver votre place. Il y aura du monde, mais il y a encore de la place. Donc voilà, je donnerai un numéro de téléphone si vous souhaitez aller l'écouter ce soir. On dirait que les coureurs semblent maintenant ralentir le rythme. Ah, avec un nouveau changement en tête et un nouveau leader qui emmène maintenant la course. Un vrai coup de fouet là pour tout le groupe d'échappée. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Vivacité présente la toute nouvelle édition du livre du beau vélo de Ravel. Découvrez l'itinéraire des 13 balades de cet été. Cartes détaillées, photos, astuces, bonnes adresses pour pique-niquer. Une mine d'informations. Le beau vélo de Ravel 2016, un ouvrage aux éditions Weyrich. En vente partout et sur la boutique RTBF. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Waterloo, portes ouvertes dans notre appartement témoin, ce dimanche de 14 à 17h, à l'angle de la chaussée de Bruxelles et de la rue du Ménil. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Viva Bruxelles est là de présente, Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec le professeur Henri Joyeux, pourquoi la prévention doit-elle être prioritaire en matière de santé? Parce qu'il y a des personnes qui vont nous entendre aujourd'hui, vous entendre, qui vous lisent, voilà, tous les jours, qui entendent parler de vous en disant « bah oui, je vais essayer de changer d'alimentation, mais c'est peut-être un peu tard, ça fait longtemps que je bois du lait, ça fait longtemps que je mange trop de viande rouge, ça fait longtemps ». Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Vous dites « il n'y a pas non, de jour ». Alors non, il n'est jamais trop tard, il n'y a pas d'interdit. Ok, première chose. Il n'y a pas d'interdit. Donc il n'y a pas d'interdit. Ok, ça c'est déjà une bonne chose. Okay. Par contre, il y a ce qu'on peut appeler, en termes informatiques, un peu des transferts. C'est-à-dire, je vais vous aider à manger mieux et meilleur. Alors ça résonne positif. Manger mieux et meilleur, c'est quoi? Oui. Et en plus, c'est pour votre santé. Ça veut dire, si vous avez telle ou telle pathologie dans la famille, il y a plus de risques que vous l'ayez, parce qu'elle est dans la famille, au niveau de la génétique, si on regarde que ça. Oui. Et puis parce qu'il y a les mêmes habitudes, oui, qui ne sont pas toujours très bonnes, qui sont des habitudes liées au stress, liées à des tas de choses que nous avons dans notre société. Et ce qui fait que nous avons des tendances à, quand nous mangeons, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Oula, alors là, c'est la grosse question. Hier soir, qu'est-ce que c'était? Il y avait la soupe ou il n'y avait pas de la soupe? Il y avait du fromage, il n'y en avait pas. Il y avait du jambon, il n'y en avait pas. Il y avait la salade, il n'y en avait pas. Bon, nous ne prenons pas conscience que notre alimentation, c'est la clé de notre santé. Et ce que vous mettez dans votre palais des saveurs, avec, vous le savez maintenant, ces papilles de la langue que vous refaites tous les 10 jours, oui, dingue, votre odorat que vous refaites tous les 3 mois, 3 mois, nous sommes en septembre, octobre, novembre, en décembre, c'est tout neuf. Non point que la veille, vous détruisez tout pour reconstruire, mais en permanence, vous avez des cellules qui meurent et d'autres qui arrivent et qui renaissent. Comme vos cheveux qui poussent, comme vos ongles qui poussent, c'est la même chose. Notre corps, c'est un feu d'artifice de cellules en multiplication, pas cancéreuses. Ça, j'en veux pas. Donc, je ne vais pas les réveiller des cellules qui peuvent être cancéreuses dans mon poumon si je fume. Je ne vais pas les réveiller des cellules dans mon côlon qui peuvent être cancéreuses avec un polype si je ne donne pas ce qu'il faut pour ratisser mon côlon régulièrement et pour éviter la constipation. Vous comprenez ? Donc, il y a des choses qui sont extrêmement simples, que le grand public est capable de comprendre d'une manière très simple. Il n'y a pas besoin d'aller faire une recette. Il faut donner des grandes orientations. Oui. Premièrement, nous sommes aujourd'hui avec des consommations de 80% de produits d'origine animale, quels que soient les animaux. Ok, c'est pas tout mauvais. Mais nous avons oublié que le végétal est l'essentiel. Que le végétal est ce qu'il y a de mieux. Les fruits, les légumineuses. Mais attention, comment je les consomme? C'est pas la foire au four. Une grand-mère me disait « Oh moi, docteur, je fais régulièrement à mon mari une petite foire au four avec beaucoup d'amour. » J'ai même « Vous serez veuve avant tout le monde. » « Ah, pourquoi je serai veuve ?» Parce que vous fusillez la pomme. Vous lui fusillez les bons sucres, vous lui fusillez les vitamines. Tout ce qui doit se manger frais doit se manger frais. C'est ça que vous dites. Hein, c'est ça. Donc je n'aime pas dire cru parce que cru, on m'a accusé d'être crudivoriste, comme si j'étais sectaire. Oui. Non, je préfère dire frais. Parce qu'une pomme se mange fraîche. Une poire, une banane. Ce matin, j'ai pris des kiwis, j'ai pris des morceaux d'ananas, je me suis régalé à mon petit déjeuner. Bon, et puis ça ne m'a pas empêché de prendre un bon café. Oui. Ça ne m'a pas empêché de prendre un bon thé qui a suivi le café. Ça ne m'a pas empêché de prendre un croissant au chocolat parce que j'aime beaucoup. Ah ben tant mieux, on conseille ça. Mais vous dites que en effet les fruits tous les jours, les fruits au petit déjeuner, petit surtout, déjeuner. toujours mettre des fruits au petit déjeuner. Mais aussi vous pouvez en prendre au repas du midi ou du soir. Ça dépend de chacun. Vous n'allez pas vous forcer. Vous ne voulez pas au petit déjeuner. Prenez-le un autre moment la journée. Oui. Prenez-le à 10h si ça vous fait plaisir, plutôt que de prendre une barre chocolatée. Oui. Et quand vous dites qu'on écoute trop les pubs et qu'on regarde trop la télé. Il y a quand même beaucoup dans les émissions, parce que j'ai des enfants à la maison en bas âge qui regardent encore la télé, les dessins animés. Oui. Manger 5 légumes et fruits par jour, ça, c'est quand même des messages qui sont bien diffusés. Mais c'est écrit en bas, mais lisible. On m'a demandé si c'était moi qui l'avais fait inscrire. Oui, parce que vous dites 5, c'est bien. Mais bien 5, sûr. C'est bien. Moi, je ne l'ai pas fait inscrire, mais je souhaite qu'on le montre en photo, qu'on montre l'image. Parce que l'image, elle rentre au niveau de votre hippocampe, elle est captée, et à ce moment-là, vous allez agir. Oui. Alors, le lire, ça passe vite. Donc, les enfants, c'est difficile de se conscientiser à cet âge-là. Oui, mais apprendre à un enfant qu'il a des ratounes, vous savez ce que c'est, les ratounes? Non. C'est les dents. Oui. Bon, et qu'il en a 32, et que ces ratounes, elles sont faites pour mastiquer, pour faire venir la salive, et que nous, adultes, nous fabriquons 1,5 litre de salive par jour, si on mastique pas, 500, 600, à la piscine, on flotte, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on ballonne. On ballonne, alors c'est le gazogène, je vais pas vous faire des dessins, vous comprenez? Et ensuite, les gens vous disent, ah oui, j'ai du reflux. Mais oui, parce qu'ils mangent trop vite. Parce qu'il ne mastique pas assez. Mais vous allez trop vite, vous. Je n'ai pas le temps de prendre des notes sur tout ce que j'ai envie de vous demander. Si, parce que je vois que vous captez. Je le vois dans vos yeux. Je capte. Oui. Moi, je vous capte. Mais vous captez. Oui, mais ceux qui m'écoutent captent dans leurs oreilles. J'espère. Moi, je capte avec les yeux. Vous avez raison. Oui. Bon. Déjà, j'ai pas mal de questions par rapport à ça. 070 23 33 23. SMS 30 63. Depuis quand est-ce que vous avez décidé d'être comme ça, d'être celui-là, d'être... Vous l'avez toujours été, même en... Oui, en étant... alors je vais vous dire, vous savez, quand on est cancérologue et qu'on opère des malades atteints de cancer, on prend peur. Parce qu'on dit, pourquoi cet homme, pourquoi cette femme, elle a un cancer? Et on réfléchit, on trouve les causes. Et à partir du moment où vous avez les causes, vous dites, non d'une pipe, mais moi j'ai pas envie que ce que j'aime, et tout, j'aime tout le monde, mais malades, je préférerais qu'ils soient pas malades. Je préférerais ne pas les voir pour une récidive d'un cancer du sein, de la prostate, du côlon, du rectum ou d'ailleurs. Bon, et donc quand vous arrivez à réfléchir, à regarder d'une manière scientifique, à aller chercher dans les publications scientifiques internationales, vous trouvez. D'accord. Qui cherche trouble. Et vous trouvez les causes. Donc je peux vous aider à avoir un cancer, pas de la prostate pour vous, mais du sein. Si vous voulez un cancer du côlon, je peux vous aider. Si vous voulez avoir un cancer du poumon, je peux vous aider. Mais si je vous aide pour avoir ce cancer, vous allez comprendre comment l'avoir. Comment pas l'avoir. Mais vous avez tout compris. Ouais. 070 23 33 23. SMS 30 63. Professeur Henri Joyeux, on en profite aujourd'hui avec toutes vos questions, vos réflexions par rapport à ça. Golden Fire sur Vivacité. Quoi ? Le professeur Henri Joyeux est chez Sylvie, il est à Mons ce soir en conférence. Mais j'y serai, voilà les questions, les commentaires que nous avons en ce moment. Je vous donne un numéro de téléphone, tiens, pour ce soir, pour avoir les renseignements précis. 0498 799 957, c'est à Avray, région de Mons. 0498 799 957. Bon, des auditeurs pour le moment qui vont dans votre sens, hein, pour le moment qui vont dans votre sens. On reparlera de la mastication parce que je sais que vous êtes hyper important. Le palais des saveurs, le système olfactif. Les cinq sens en éveil. Jusque-là, en effet, on est tout à fait complices. 070 23 33 23 SMS 30 63. Dans quelques instants, c'est Dominique. Vous avez changé sa vie. Elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de messages de ce genre. Elle nous dira pourquoi et surtout ce qu'elle a mis en pratique maintenant. Vous avez moins de 30 ans et vous voulez acheter une maison, un appart? Très bien. Dans quelle commune chercher? Où décrocher des aides? Faut-il profiter des taux bas pour acheter grand, dès le coup d'essai, ou viser d'abord petit? Le guide pour bien acheter à Bruxelles et en Wallonie, dans le spécial IMO du Vifle Express, en vente cette semaine. Le Vifle Express, pour ne rien vous cacher. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Parvis de Saint-Gilles, en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h. Info stj800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Viva Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Venez découvrir notre toute nouvelle gamme Honda et profitez des 20% de remise sur nos véhicules de stock. Du jamais vu. Portes ouvertes ce 10 et 11 septembre chez Honda Ring Motor. 02 524 16 14. Ring Motor, c'est vraiment très fort. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. Coa Coa, Coa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Coa Coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. La vie du bon côté sur Vivacité. Le professeur Henri Joyeux, comment je vais vous faire vous parler du lait, de la vapeur douce, du barbecue? C'est quoi un barbecue vertical? Parce que j'ai vu ça. Moi, je connais pas ça. Il y en a deux types de barbecue verticaux. Je connais pas. L'un, vous avez le feu au centre, avec de chaque côté une grille. Mmh. Vous pouvez mettre d'un côté un poisson et de l'autre côté de la saucisse, de la viande, ce que vous voulez. D'accord? Oui. Mais il faut le retourner. D'accord? Il faut le retourner. C'est-à-dire que vous avez une partie qui est cuite. Ça tourne un peu comme les poulets rôtis. Alors, dans les ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas. C'est à plat, c'est vertical. Le feu est à la verticale, du charbon de bois, si vous voulez. Et puis vous avez une grille de chaque côté. Et là, cette grille maintient votre saucisse, votre viande, de l'autre côté du poisson, par exemple. Bon. Oui. Mais ensuite, il faut le retourner. Sinon, vous avez la cuisson que d'un seul côté. Okay. Et maintenant, il existe un autre barbecue vertical. Vous avez quatre feux de chaque côté. Et vous mettez au milieu votre gigot. Vous mettez au milieu votre saucisse, tout ce que vous voulez, votre poisson. Et pourquoi c'est pas bien notre barbecue de maintenant? Parce qu'il est horizontal. Et que quand il est horizontal, je l'ai démontré dès les années 92. Vous avez la graisse qui est dans la viande, dans le poisson ou ailleurs, qui va être pyrolysée sur le feu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le feu fait brûler la graisse et vous avez la formation de produits noirâtres qu'on appelle des benzopyrènes, des nitrosamines qui sont cancérigènes. Mmh. Que vous en preniez une fois comme ci, par là. Mmh. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le changement de climat, nous avons un été qui dure. Et qui commence beaucoup. Tôt. On en fait beaucoup. On en fait beaucoup. Ouais. Donc c'est pour cette raison qu'il faut aller vers le barbecue vertical. Mmh. Mais je l'ai dit dès les années 92, je n'ai pas pu le publier en France. On m'a interdit. J'ai publié aux États-Unis. Mais quand j'ai vu les Français qui fabriquaient les barbecues, vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit, écoutez, monsieur Joyeux, vous êtes très sympa, mais on a encore 10 millions de barbecues fabriqués, il faut les vendre. Et quand on les aura vendus, les horizontaux, on pensera à vous pour les verticaux. C'est en train de venir. Parce qu'il y a eu une émission sur la 5, où il y a un homme de 83 ans qui a mis au point un barbecue vertical absolument fabuleux dans la région lyonnaise, vous le trouvez sur internet, il s'appelle Volcaya, je ne fais pas de la pub. Ouais, je fais de la pub pour la santé. Mais oui, ça c'est la santé. Je suis d'accord. Donc barbecue vertical, moi j'en ai un, cet été mes enfants, mes petits-enfants, j'aurais préparé des choses fabuleuses, il n'y avait pas un pet, pas une goutte, pas un nanogramme de produits dangereux. D'accord, voilà. Ok, pour la parenthèse du barbecue vertical. Dominique, bonjour, bienvenue Dominique. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour monsieur le professeur. Bonjour madame. Vous avez un barbecue vertical ou pas encore Dominique? Je n'ai pas de barbecue vertical, mais je me suis mise à la cuisson lente, la cuisson douce. Très bien. Et suite à ces conseils, d'ailleurs, parce que j'ai eu un cancer il y a 12 ans, et suite à ça, je me suis beaucoup posé de questions quant à la nourriture, hein, notre alicament, comme on pourrait très dire. Très bien, excellent, oui, bien sûr. Voilà, et bon, là, malheureusement pour moi, j'ai fait une rechute. Combien de temps après 12 ans. C'était pour un cancer du sein? Oui. Oui. Exactement. Bon, alors dites-vous que la rechute à 12 ans, c'est, entre guillemets, une bonne rechute au sens où on va pouvoir vous guérir quand même. Hein. Il vaut mieux une rechute à 12 ans qu'une rechute à 2 ans, vous comprenez ? Oui, hein, tout à fait. Bon, ouais. Et donc il faut essayer d'analyser le pourquoi vous avez fait la première fois la lésion du sein, la première fois, et puis pourquoi vous l'avez faite avec la récidive. Bon, est-ce qu'il vous avait donné des traitements, des choses comme ça, de la chimiothérapie ? Oui. Bah oui, à l'époque, la chimiothérapie, là, on me propose, j'ai déjà fait une deuxième séance de chimiothérapie, mais je ne suis pas sûre que je vais continuer. Parce oui, que bah moi, je suis un peu de votre avis, parce que si vous avez eu une chimio la première fois que vous avez fait une récidive, c'est qu'elle n'a pas été utile. Hein. Voilà, exactement. Là, vous avez tout compris. Hein. Et puis, je me suis pris un sacré microbe dû évidemment, à mes neutrophiles un peu trop bas. Oui. Et je me suis dit, je vais finir par mourir d'autre chose que de mon cancer. Oui. Non, ça veut dire que votre immunité est fragile. Bon. Voilà. Et avoir une immunité fragile, c'est important à savoir, ne serait-ce que pour essayer de la stimuler. Alors, je vais vous dire des choses très simples. Connaissez-vous les abeilles? Oui. Propolis, alors, propolis. Ah, j'ai lu votre livre, hein, Propolis. Bien sûr. Les abeilles et le chirurgien, c'est mon bouquin. Oui. Et j'explique combien les produits de la ruche sont utiles pour la santé. Ouais. Mais, si vous avez eu un problème de cancer, pas de gelée royale. Ah oui. Parce que la gelée royale contient des facteurs de croissance qui risquent de réveiller des cellules qui sont dormantes. Mmh. Or, les cellules cancéreuses, il y en a qui dorment. Il faut les laisser dormir. Il ne faut pas les réveiller. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une immunité qui vous permet de lutter justement contre un risque de multiplication cellulaire anarchique. Vous voyez ? Et avoir une bonne immunité, c'est, prenez par exemple, de la propolis régulièrement. Vous avez, j'imagine, supprimé les protéines laitiers de vaches, parce que vous n'êtes pas dans la descendance des vaches, n'est-ce pas ? Bon, donc, vous prenez éventuellement un bon petit fromage de chèvre ou de brebis, hein, un petit roquefort, un petit crottin de chèvre, tout ça c'est excellent pour la santé. Et puis, du calcium végétal, les amandes, les noisettes, les noix, les fruits, les légumes et les légumineuses. Ouais. Tous les jours, les noix, les noisettes, sûr, une bonne poignée. 40 grammes, une bonne poignée. Vous y mettez un peu de raisin sec, vous vous débrouillez pour l'hydrater un peu si jamais vous trouvez que c'est un peu sec, que ça rentre dans les dents, tout ça. Bon, il y a des petites méthodes extrêmement simples, mais en même temps, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup mieux. Mm-hmm. Prenez-le quand ça vous va bien, un petit déj, 10 heures, 4 et heures. Et propolis tous les jours aussi, alors. De toute façon, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, soit vous la sucez sous forme de comprimé, vous ne la croquez pas, soit vous la prenez sous forme de petites dosettes, si vous voulez, que vous allez mettre sur un petit morceau de pain d'épices, sympathique, qui vous plaît, vous avalez ça, vous le mastiquez bien. Oui, tout mastiquer. Ah, mastiquer. Les dents, c'est fait pour ça. Oui. Les dents, ce n'est pas fait que pour le sourire. Hein. C'est fait pour faire venir la salive, et que cette salive, comprenez bien une chose, c'est que la salive, ce n'est pas de la flotte, c'est un liquide qui contient des enzymes, du goût et de la digestion. Du goût et de la digestion. Donc, si vous voulez, le goût, il est fait pour quoi ? Pour notre bonheur, pour qu'on se régale, avec un goût sucré, salé, citronné, chocolaté, ce que vous voulez. Et ce qui est important, c'est de dire à un enfant, tu aimes cela, mon fils, ma fille ? Oh, que c'est bon ! Non, explique-moi, qu'est-ce qui est bon ? C'est bon ? Non, explique-moi, quel goût ça a ? Faire exprimer à l'enfant et imaginer que je vous donne quelque chose de bon, vous me dites c'est bon ? Non, je vous dis, expliquez-moi, allons plus loin. Essayons de réfléchir. D'accord, je suis d'accord. Et à ce moment-là, si vous voulez réfléchir, vous allez garder dans votre palais des saveurs plus longtemps.

je veux juste m'amuser. Quoi de neuf, décoller comme une fusée. Quoi de neuf, j'ai déjà tout misé. Mes démons se réveillent et se mettent à danser. C'est Florent Motte qui le dit, tout le monde se réveille et se met à danser. Tout le monde se réveille aussi peut-être en matière de méthode alimentaire, même si encore une fois, vous êtes d'accord avec moi, professeur Henri Joyeux, d'abord on écoute évidemment notre corps, on écoute nos envies, tout n'est pas interdit, mais privilégions certaines choses. Ça va ce que je dis ? Excellent. Bon, ça va, d'accord. Je peux rester alors. Alors j'aime bien aussi, bah, les personnes posent des questions dans tous les sens. Hein. Nancy, elle dit on ne doit pas boire le lait de vache, Sylvie. D'accord, car nous ne sommes pas des veaux, comme il dit, c'est évident. Nous ne sommes pas des chevreaux non plus. Je ne comprends pas le conseil de consommer le lait des chèvres. Je l'explique très simplement. Oui. Les articulations d'un chevreau ne sont pas les articulations d'un petit veau qui prend 365 kilos en une année, alors que le chevreau en prend combien ? Pas beaucoup. Exactement comme un petit être humain. Un enfant, quel qu'il soit, garçon ou fille, il prend maximum en une année après sa naissance 5 kilos. D'accord. D'accord. Et le calcium qu'il y a dans le lait de sa maman, c'est 4 fois moins que le calcium qu'il y a dans le lait de la vache pour son veau, ce qui est logique pour construire un squelette de veau. Alors, il est certain que dans le problème de la chèvre ou de la brebis, c'est pas tellement du lait que je vais vous conseiller, c'est le fromage lui-même. Pourquoi ? Parce que vous allez justement le mastiquer, le goûter. Le lait, vous allez faire un peu cul sec, vous voyez ce que je veux dire ? Vous le buvez, puis il m'en faut un autre bol, et puis un autre verre, etc. Alors que le fromage, vous allez véritablement le goûter. Et comme il a du goût, c'est pas comme le fromage de la vache qui pleure et qui rigole, vous voyez ce que je veux dire ? Celle-là qui n'a aucun goût. Ou le fromage, si vous voulez, dit, vous voyez, celui qui est le fromage à 0%. Alors, la dame me dit, ah docteur, je prends du 0%. 0% de quoi, madame ? Je ne sais pas, du 0%, 0%, elle ne sait pas. Je dis, madame, j'ose pas vous dire, mais je vois dans vos fesses. Vous comprenez ? Voilà. Et là, et c'est là que ça se passe. Pourquoi ? Parce que c'est plein de lactose. On a supprimé les protéines, on a supprimé surtout le gras, mais le lactose, il est présent. N'oubliez pas que les lactoses, c'est le sucre, et c'est beaucoup de sucre. Alors, je ne suis pas contre les produits laitiers, mais je serais pour les fromages de chèvre ou de brebis, petits animaux, peu de facteurs de croissance. D'accord. Chirurgien cancérologue, hein, je le rappelle, et chirurgien des hôpitaux, le professeur Henri Joyeux à Montpellier. Bien sûr, vous êtes auteur de nombreuses publications et moi, c'est la publication que j'ai en main, c'est Changer d'alimentation, c'est la 7e édition. Françoise, bonjour, bienvenue Françoise. Oui, bonjour Sylvie, bonjour professeur. Alors, bonjour. Vous êtes d'accord, donc vous nous écoutez avec grande attention, donc je pense que vous êtes d'accord sur beaucoup de choses. Hein, vous êtes d'accord aussi, changer notre alimentation, mastiquer Françoise, hein, on a bien retenu, hein. Ah oui, mais parce qu'on a fait, on a donné des conseils à mon mari qui malheureusement a un cancer aussi. Et voilà, on a un peu essayé de changer tout ça parce qu'on est allé voir un médecin qui a vraiment les mêmes conseils que le professeur Joyeux. Il a un cancer de quoi, votre mari, madame ? Des voies biliaires. D'accord. Quel âge a-t-il ? Il a 59 ans. Très jeune, d'accord. Oui. Alors, il faut qu'il boive beaucoup, hein. Ça, c'est capital, qu'il ait des urines claires pour qu'il ait une bile très liquide et pas une bile épaisse. Exact, oui. Il a eu la jaunisse ou pas ? Oui, oui, oui, oui. Et actuellement, ils ont mis peut-être un tube pour permettre à la bile de passer. Non. Il est opéré il va y avoir 2 ans. Oh, c'est bon ça. Il a passé le plus dur. Oui, il a passé le plus dur, mais malheureusement, il a eu une récidive. À quel endroit ? Toujours à l'artère mésentérique. D'accord. Et ils ont pu enlever ou ils ont donné une chimio, des rayons ? Non, justement, il est en train de passer des chimiothérapies pour le moment. Oui. D'accord. Peut-être pour réduire les choses et qu'on puisse ensuite l'enlever. C'est possible, hein ?

Domenico Leone, l'ancien patron du club de foot de Mons, acquitté devant le tribunal correctionnel de Mons. On lui reprochait d'avoir utilisé les moyens de la ville de Mons et d'une ASBL communale pour faire tourner le club de foot aujourd'hui en faillite. Des employés financiers par des subsides publics étaient occupés pour une société anonyme. Domenico Leone a toujours estimé n'avoir rien à se reprocher. Bilan revu à la hausse en Espagne où 4 personnes et non plus 2 sont mortes et une cinquantaine d'autres ont été blessées dans le déraillement d'un train en Galice. La Galice qui avait déjà connu il y a 3 ans le pire accident ferroviaire en Espagne depuis 1944. L'accident avait fait 80 morts. Une bonne nouvelle pour le sport belge. Evie Van Acker continue la voile au moins jusqu'aux Mondiaux 2017. Médaillée de bronze à Londres en 2012 en laser radial, Evie Van Acker a pris la 4e place des Jeux de Rio le mois dernier. Après avoir beaucoup réfléchi et après avoir hésité à mettre un terme à sa carrière, Evie Van Acker, 30 ans, a estimé qu'elle ne voulait pas terminer son parcours sur cette note. La météo cet après-midi, le temps reste calme et surtout ensoleillé. Il fera un peu moins chaud qu'hier. Maxime a compris entre 20 et 25 degrés. RTBF Mobile Info, on fait le point sur le trafic avec Antoine Binamé. Oui Julie, avec des conditions de circulation assez compliquées, principalement sur le 40 Gand-Bruxelles à hauteur de Ternat. Un camion s'est couché sur le flanc, 11 km de fil. On compte a priori 2 heures perdues, mais ça veut dire que la circulation est quasiment à l'arrêt vers la capitale. Et sachez que dans l'autre sens, depuis Grand Bigard, on perd une quinzaine de minutes vers la côte à cause de la curiosité des automobilistes. Pour le reste, ralentissement sur le 411 Arlon-Namur à hauteur d'Abbey-la-Neuve vers le Luxembourg. Vous perdez actuellement une quarantaine de minutes. Ralentissement sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle au niveau du chantier de Cherat, des files sur 10 km, vous perdez une quarantaine de minutes. Et dans l'autre sens, à hauteur de Warem, un accident s'est produit. Bande de gauche neutralisée vers la capitale. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 14h04 sur Vivacité, on retrouve Sylvie Honoré, c'est la vie du bon côté. Merci Julie, l'info revient à 15h. Rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Avant de lancer la petite séquence santé de cette émission, en effet, on invite et on incite, professeur Joyeux, les auditeurs à nous rejoindre chaque samedi sur une étape du beau vélo de Ravel. C'est un jeu de mots, hein? Boléro de Ravel, ouais. Beau vélo de Ravel. Réseau autonome des voies lentes, le Ravel chez nous, vous voyez, en Belgique, ce sont les anciennes lignes de chemin de fer qui ont été donc aménagées en réseau cyclable. Et donc, on invite tous les samedis des milliers de personnes qui viennent faire une petite balade de 30 km. Voilà, demain, nous serons à Liège. Vous connaissez Liège, avec quand même. Avec un vélo banal. Moi, avec je viens de commander un vélo où je vais pédaler en étant allongé. Ah! Ah oui. Et pourquoi ça? Deux roues devant, oui. Une roue derrière. Parce que vous avez envie de... J'ai envie de faire le Ventoux, je le fais tous les ans. Oui. Le Ventoux, c'est quand même 21 km, 7,5% de moyenne de montée, ça monte tout le temps. Ma femme le fait avec moi. Oui. Le Tour de France, ils mettent une heure, ils sont dopés. Moi, je mets 3 heures, je ne suis pas dopé. Mais j'ai 3 fois leur âge, ce qui est normal. Bon. Mais pourquoi je prends un vélo horizontal? Parce que, d'une part, c'est mieux au niveau, si vous voulez, de l'ergonomie. Je ne suis pas obligé de monter, si vous voulez, en danseuse, comme on dit. D'autre part, quand vous avez beaucoup de kilomètres à faire, récemment, j'ai fait 85 kilomètres, à la fin, j'avais la raison fessière, vous voyez, qui était un petit peu fragilisée, vous voyez ce que je veux dire. Quand vous êtes allongé, non, mais vous pédalez, vous faites des abdominaux, en plus, vous avez les freins, vous avez la lumière, vous avez... Non, c'est fabuleux. J'ai essayé ça récemment, je l'ai commandé sur le champ. D'accord, ça fera plaisir. Vélo horizontal. À Adrien Jovenot qui vous écoute en plus en ce moment, professeur Joyeux, et qui est à l'origine, à l'initiative C'est une très bonne initiative. Beau vélo de Ravel. Voilà, et donc demain, ce sera l'avant-dernière de la saison, la 13 étapes pendant cet été. Demain, le beau vélo de Ravel fait fort en s'installant en plein centre-ville, en plein centre de Liège, sur la place Saint-Lambert. C'est au départ de là que demain, donc vous pourrez prendre part à cette balade à vélo organisée aux alentours de la Cité Ardente. Et pour avoir plus d'informations sur cette journée de demain, je vous invite à écouter Adrien Jovenot et Francis Hubin, que j'accueille dans mon émission. Cher Francis et Adrien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et toutes nos excuses aux automobilistes qui circulent ce week-end sur la place Saint-Lambert de Liège. C'est vrai qu'on a mis un peu de boxon avec le village du Beau Vélo de Ravel qu'on implante ici, Francis Hubin, au cœur de la cité ardente. On est vraiment dans le centre vivant de Liège. Oui, donc on est installé en partie sur la place Saint-Lambert et l'espace Tivoli, mais la place Saint-Lambert qui est exceptionnellement piétonne à l'occasion de ce beau vélo de Ravel. Alors, il y a 25 km au programme demain. On va découvrir le Liège d'eau, de plateaux, de coteaux. On mettra le cap vers l'île Mont-Saint avant d'aller crapahuter vers Herstal. Oui, Pontis. Via une ancienne ligne de chemin de fer, une ancienne ligne vicinale qui nous permet d'atteindre alors les Hauts-Sars et d'aller vers Votem et de faire l'altravitaillement sur la place à Votem avant de redescendre vers la vallée de la Meuse et de venir par le quartier hors château pour rejoindre la place Saint-Lambert aux alentours de 16h. Alors demain, je vois déjà la scène, elle est plus grande que d'habitude, parce qu'il y aura ici 200 musiciens, 80 choristes. Ce sera aussi le point d'orgue de l'action Debout Citoyen, avec le concert de l'Orchestre Philharmonique de Liège, accompagné des chœurs de l'opéra. Waouh, ça va faire du monde, hein. Et en guest star, non seulement le groupe Suarez, mais aussi Alice on the Roof. Oui, et tout ça gratuitement dès 16h demain. Ça va être un moment historique. Vraiment, si vous n'avez pas fait le beau vélo de Ravel cet été, je vous pardonne, mais si vous ne venez pas demain, là, je vous parle plus. Et venez aussi tous poser le geste citoyen à 17h au moment du plateau pour l'émission télé. Ce sera vraiment un moment inoubliable. Oui, et entre nous, c'est pas grave, si vous venez pas demain, vous pouvez nous écouter à la radio. Ce sera en direct sur Iva à partir de 13h. Mais venez pédaler avec nous, hein, ça vous fera un bien fou. À bon, samedi, les amis. Mais très bien, l'année prochaine, vous viendrez avec nous, professeur Joyeux. Hein, très volontiers. Avec votre vélo couché. Voilà. Couché et... Je pense que ma femme sera jalouse, il faudra que je lui en offre un. Ce serait super et je vous assure, Adrien Jovenot, qui nous écoute en ce moment, puisqu'il m'a fait un petit message en disant qu'il nous écoutait, sera à mon avis très heureux de vous recevoir. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Le professeur Henri Joyeux est notre invité donc aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il sera en conférence ce soir à Mons. Et donc je profite un petit peu, vous êtes venu plutôt pour moi, professeur Joyeux. Dites oui. Je vais vous dire, moi, une journaliste m'appelle, je viens en courant. Un journaliste, j'hésite. Voilà. On ne s'était pas vu. Non mais je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez l'esprit beaucoup plus ouvert que les mecs. Ça c'est sûr et certain. Ça c'est vrai. Oui, mais c'est vrai, c'est sûr, je l'ai remarqué. Je préfère avoir affaire à des gens qui ont l'esprit ouvert, qui peuvent ne pas être bloqués parce que par exemple le conseil de l'ordre des médecins France, parlons des mecs qui vous font du mal. Mais oui, ils ne me font pas du mal, ils me font rire. Que quelque part vous êtes condamné quand on parle des médecins. Je ne suis pas condamné. Je vais vous expliquer. Vous avez en France le conseil de l'ordre de votre département. Ville de Montpellier, la plus ancienne université médicale du monde. Et puis vous avez le conseil régional de la région Languedoc-Roussillon. Et puis vous avez le national. Le national, ce sont des gens qui sont à Paris, qui croient qu'ils sont à la capitale, au contact des labos, au contact des médias, etc. Et donc qui ne supportent pas trop que la province donne son point de vue. Or qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que je ne suis pas du tout contre les vaccins. On a essayé de me faire passer pour un homme contre les vaccins. Pas du tout. Je suis pour les vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos, polio. Mais sans adjuvant. Sans aluminium. Car l'aluminium, quand vous le prenez, par exemple, dans votre alimentation, il va être éliminé par voie digestive, on n'en parle plus. Mais si je vous le mets dans l'épaule, il peut balader. D'accord. Il peut vous donner une pathologie inflammatoire, on ne va pas rentrer dans les détails, qui peut même aller plus loin. Je vous explique. En 1992, figurez-vous qu'aux États-Unis, il y avait plus de chiens et de chats que d'Américains. Alors ceux qui soignent les chiens et les chats, ils se sont dit, il y a peut-être du business à faire là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils ont décidé qu'on allait vacciner tous les chiens et les chats animaux de compagnie de manière obligatoire, la loi. Bon, il y avait une loi qui disait que on devait vacciner un chien lorsque il passait d'un état à l'autre contre la rage. Ça, c'était obligatoire et c'est normal. Bien. Mais là, ils ont voulu vacciner tout le monde, alors ils ont vacciné avec des vaccins qu'on a mis entre les deux épaules pour ne pas se faire griffer ou ne pas se faire mordre. 3 ans plus tard, apparition de sarcome. Sarcome, c'est un cancer catastrophique. Aïe, aïe, aïe, alors ils ont dit, mais c'est une catastrophe, on va vacciner les chiens et les chats sur la queue du chien et la queue du chat. Les écolos ont gueulé en disant, ah, ça va pas, la queue du chien, la queue du chat, c'est important. Et pourquoi pas ? Eh bien, figurez-vous que j'ai obtenu, pas moi directement, mais les vétérinaires, j'ai des amis vétérinaires extrêmement solides, ils ont obtenu la disparition de l'adjuvant aluminium dans les vaccins pour les chiens et les chats. Et nous les avons encore pour nos enfants. D'accord. Expliquez-moi. Vous comprenez ? Donc je ne veux pas de cet adjuvant, j'ai écrit une lettre extrêmement fouillée scientifiquement sur le problème de l'aluminium, je connais parfaitement le problème, même si je ne suis pas vaccinologue, mais je suis cancérologue, et un cancérologue doit connaître l'immunologie. L'immunologie, je la connais sur le bout des doigts. autant qu'un vaccinologue, qu'un infectiologue. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en immunodépression, vous risquez un cancer. Quand vous êtes soigné pour un cancer, vous êtes immunodéprimé. Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Et quand vous êtes immunodéprimé, vous pouvez attraper un staphylocoque, un entérocoque, un germe, un colibacille plus facilement. Donc il faut vous aider en stimulant votre immunité. Donc je connais tout ça. Savez-vous que votre petit enfant, il vient de naître. Son système immunitaire n'est pas fini avant 1000 jours après sa conception. 1000 jours. 1000 jours. Oui. Il est conçu aujourd'hui, vous ajoutez 275 jours, c'est le temps de la grossesse, plus 2 années de 365 jours, ça fait 1000 jours. Mais les labos, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'était à 6 mois la vaccination. Ils ont descendu à 4 mois, puis à 3 mois, puis à 2 mois. Maintenant, on vous propose la vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse. Alors qu'on a aucune certitude d'efficacité et que l'on sait qu'on ne peut pas avoir un vaccin que contre la coqueluche mais contre 5 valences de plus qu'on vous injecte alors que vous n'en avez pas besoin. Comment se fait-il qu'on injecte un vaccin contre l'hépatite B à un gosse de 2 mois? Or l'hépatite B, c'est si les médecins, infirmiers, chirurgiens, s'ils se droguent. Attendez, il a 2 mois. Faut quand même pas déconner. Bon, on veut vacciner les enfants contre le cancer du col de l'utérus à 9 ans. Vous avez une petite fille, j'ai compris qu'il y avait cet âge-là. Et vous allez la vacciner à 9 ou 10 ans contre le cancer du col de l'utérus. Et son petit frère qui en a 6 ou 7, on va le vacciner à 9 ans aussi. Vous allez expliquer au petit Jean-Baptiste ou au petit Karim qu'on va le vacciner contre le cancer du col de l'utérus de sa sœur. Comment vous allez expliquer tout ça ? Alors que c'est pour le vacciner, pour qu'il n'ait pas, soi-disant, le papillomavirus sur sa zézette. Ben, vous voyez où c'est la zézette, hein ? Bon, non, on se fout de nous. Et là, je vais vous dire... C'est là que vous lâcherez pas. Non, les laboratoires pharmaceutiques, je ne suis pas contre. Oui. Je suis pour les bons médicaments. D'accord. Je suis pour les bonnes statines quand elles sont utiles, les bons traitements contre la tension artérielle. Je suis pour les vaccins, bien évidemment, mais pas n'importe quoi. D'accord. Et on ne vaccine pas un enfant de 2 mois alors que son système immunitaire n'est pas terminé. Moi, je le dis avec une certaine passion. D'accord, et j'ai donc été condamné radiation par mes collègues de Paris. Mais rien n'est fait. Non, rien n'est fait. Figurez-vous que ceux de Montpellier ont fait appel parce qu'ils ne supportent pas les oukases des Parisiens. Bon, et donc j'ai pris un avocat qui est d'une précision, j'ose pas vous dire son nom, mais absolument extraordinaire. Et je pense qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Bon, eh ben on suivra ça. Voilà. Hein, je vous tiendrai au courant. Ben voilà, ben vous faites bien de le dire, parce que de toute façon, on avait quand même des messages en disant quoi ? Quand on n'est pas au courant. Voilà. Comme ça, moi, je suis au courant aussi. Donc je ne suis pas radié, je vous rassure, je peux consulter. Je savais que c'était pour les vaccins. Et je consulte ailleurs, je vais vous le dire très honnêtement, bénévolement. Ah. D'accord ? C'est pas pour l'oseille, c'est pas pour le flouze. Allez, d'accord, voilà. Comme ça, les pendules sont mises à l'heure, voilà. 070 23 33 23, SMS 30 63. Overphonique avec Badaboum, si vous souhaitez intervenir dans cette émission avant 15h avec le professeur Joyeux, bienvenue. Badaboum, badaboum, badaboum, badaboum. Badaboum, t'es tombé sur un salaud. C'est sûrement celui de trop. Badaboum, et oh, t'es tombé sur un salaud. Patatras, et ah, c'est sûrement celui de trop. Badaboum. Baby, don't you know, you gotta suck it up and let him go. He calls you baby, but can't you see, you're gonna wind up in a mess like me. No, you don't understand. Suffer so, he calls you baby, but can't you see, you're only living in a fantasy. No, you misunderstood when I said he was cool. mon avis, il y en a qui pensent comme ça. Hein. C'est sûrement celui de trop. En parlant de vous, hein. D'accord. C'est parce que j'entends maintenant les paroles de la chanson, donc c'est vrai que ben voilà, qui finalement prend la parole dérange, hein, qui se tait ne dérange personne. Ça c'est bien connu. Alors c'est vrai qu'il y a des questions assez interpellantes par rapport à plein de choses. D'ailleurs, Véronique nous dit votre nom vibre sur vous. Votre nom vibre sur vous. On ressent bien votre joie, votre spontanéité, votre exaltation, passion. Venez donc habiter, vibrer en Belgique. Ah. Dit Véronique. Oui. Non mais je vais vous dire si. La politique ne change pas, c'est sûr qu'il faut se barrer. Ah, oui. Bon. Donc il y a urgence, mais j'ai grands espoirs. Des grands espoirs, c'est l'avenir, donc il faut le préparer. D'accord. Et ouais, je suis heureux, si vous voulez, je vous confie une petite chose, c'est on me demande conseil. Mais pourquoi on me demande conseil? Parce qu'il y a 1 077 000 personnes aujourd'hui qui ont signé une pétition, pas contre les vaccins, pour dire voilà ce que nous voulons. Nous voulons de la santé. Donc, si vous voulez, c'est pas moi en tant que tel qui suis important, c'est ce que je représente. Ouais. Vous voyez, c'est ça l'essentiel. J'ai bien compris. On va essayer de parler des enfants. Comment conscientiser les enfants? Parce que c'est quand même extrêmement important, ça, évidemment. Ah, la ménopause, l'andropause, c'est vrai que j'avais prévu aussi de vous en faire parler. On essaiera quand même d'en parler. Hein. D'accord. Vous parlez aussi du bouger transpiré. Tout à l'heure, on a parlé de ça avec le vélo. Le hein, beau vélo. Le beau vélo. Le beau, oui. Vélo de Ravel. Il faut bouger, il faut transpirer. Voilà. Autant que saliver. Il faut saliver, il faut transpirer. Absolument. Hein, de toute façon, ça c'est... Voilà. Donc bouger, transpirer, ça vous le dites, c'est extrêmement important. Le stress sur la santé, on essaiera d'en parler aussi. Enfin bref, j'ai encore pas mal de choses à évoquer avec vous. Mais Déborah, j'aimerais bien dans quelques instants qu'elle prenne la parole parce qu'elle veut conscientiser ses enfants. Et là, je trouve qu'on a un rôle, nous, les parents, nous, les adultes, à jouer par rapport à ça. Donc c'est important. En septembre, ça va bouger dans les sous-sols bruxellois. Musiciens, danseurs ou créateurs, les artistes s'emparent des stations de la STIB à l'occasion de Wonderground. Wonderground. Wonderground, le festival des arts pour les 40 ans du métro, du 16 au 25 septembre. Plus d'infos sur stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi oui, une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct, direct, direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix. Accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir. Et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29€ par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330€. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. Vivacité. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Le professeur Joyeux est ce livre qui vous aide, qui nous aide à rester en très bonne santé ou à la retrouver au plus vite encore une fois. Il est question de prévention, bien entendu. Le célèbre biologiste Jean Rostand avait raison, hein. Mieux vaut un bon menu qu'une ordonnance. Exactement. Ah. Et c'est vrai que quand vous parlez aussi, j'avais relevé aussi de vous en faire parler, vous dites, je ne suis pas contre la médication, hein, vous l'avez dit il y a quelques instants, mais consommer trop de médicaments. Voilà, savez-vous que les Françaises, pas problème. Les Belges, les Françaises sont celles qui consomment le plus d'anxiolytiques, de somnifères et d'antidépresseurs. En même temps, oui. Et pas les Belges, et pas les Allemandes, et pas les Autrichiennes. Il y a un problème. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'anxiété dans notre société ? C'est vrai qu'il y en a, je ne dis pas le contraire, oui. Mais il y a des moyens de neutraliser cette anxiété. Manger mieux et meilleur. Ouais. Est-ce que vous se dites, faire plaisir. Vous dites que quand on prend trop de médicaments, les médicaments interagissent entre eux. Ça vous passe au centre du foie. Oui, oui, oui. Le foie, c'est la plaque métabolique. Après, oui. Vous avez des enzymes hépatiques qui montent et vous ne comprenez pas. Oui. Ah, on vous cherche un cancer, on vous fout la trouille, on vous augmente le stress, etc. Non, je crois que là-dessus, il faut faire extrême attention. Il y a des abus thérapeutiques. Mais qui a intérêt à ce qu'il y ait des abus thérapeutiques ? Ce n'est pas les médecins, soyons clairs. Même pas les pharmaciens, c'est ceux qui vendent et qui fabriquent le médicament. Dès que vous avez une larme, on va vous donner quelque chose, vous comprenez ? Et moi qui suis joyeux, on va me trouver trop joyeux, donc il va falloir me donner quelque chose pour diminuer ma joyeuseté, peut-être. Non, c'est n'importe quoi. Bon. Je crois qu'il faut faire très attention avec les excès médicamenteux, et les médecins commencent à le savoir. Oui. Je suis pour des consultations de prévention. Remboursé par d'abord l'État. La prévention, voilà. avant la soignation. Ça, exactement, c'est très bien, la soignation, hein, c'est pas mal. Voilà, tout le monde aura compris. Déborah, Déborah, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Les trois enfants, Déborah. D'abord, vous êtes tout à fait conscientisée par ça. Hein. Vous avez changé votre alimentation, Déborah. Alors moi, j'ai complètement changé mon alimentation depuis que j'ai vu le professeur, dans cette fameuse émission avec Drucker. Oui. Ah d'accord. Voilà, donc j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et je me suis directement intéressée. Je suis quelqu'un qui déjà s'intéresse beaucoup à tout ce qui est la nourriture bio, comment se soigner naturellement, voilà, ce genre de choses. Très bien. Et donc du coup, j'étais de passage à Paris et j'ai pris votre bouquin. Et oui, ça a changé complètement ma conception. J'ai complètement changé au niveau de mon alimentation, que ce soit au niveau de la viande, manger beaucoup moins de viande. Très bien. J'ai un petit garçon de 6 ans à qui j'explique pourquoi il adore la viande, oui. Mon grand malheur. C'est normal, non, mais c'est normal pour son âge, mais il va falloir lui dire progressivement que c'est pas tous les jours, que c'est pas de la viande hachée. Parce qu'il va falloir que lui, il la hache avec ses petites dents, qui sont très bonnes, pour qu'il puisse goûter davantage. Lui donner de la viande hachée, ça c'est pour les gens qui n'ont pas de dents. Alors mon chéri, tu as de jolies dents, vous comprenez ? Voilà, tout ça. Voilà, et l'enfant est capable de comprendre, hein. Ça c'est sûr. Mais je lui explique énormément. Mais c'est ça qui est intéressant de savoir, oui. Des fruits et des légumes, vous dire pendant un long moment, il a mangé des fruits, puis il a eu une phase comme ça, oui. Je n'aime plus, les légumes, je n'aime plus. Oui. Bon, je pas trop force, de Nutella, hein, pas trop de Nutella. Ah, hein. Contre le Nutella, c'est bien. Une pâte bio. Vous êtes une bonne mère, vous. Ah bah écoutez, il n'y a pas, de, enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment de bonne mère. Non, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, voilà, Déborah. On fait ce qu'on peut, et j'essaye vraiment de lui expliquer. D'ailleurs, même quand on est des fois à la caisse de certains supermarchés, bah il y a le marketing, Bien sûr. Et alors il me dit, maman, je peux ? J'ai dit non, chérie, parce qu'avec ça, tu vas être malade. Excellent. Tu vois ça, tu vas avoir des caries, et puis après, tu vas aller chez le médecin. Très bien. Alors, il y a les parents derrière qui me regardent, l'air de dire, mais enfin, elle est folle. Non, c'est vous qui avez raison. C'est la vérité. J'ai dit, s'il commence avec ça, s'il n'a pas besoin de coca ou tout ce genre de choses. Tout à fait. Tu as soif, tu bois de l'eau. Oui. Château La Pompe. Château La Pompe 2016. Donc, voilà. Mais j'ai eu deux bébés aussi il y a 19 mois. Bravo, des jumeaux ? Des jumeaux. Ah, voilà. C'était mon rêve. Avec ma femme, on n'y est pas arrivé. C'est vrai. Ah bah écoutez, moi j'ai plutôt été assez choquée quand on me l'a annoncé. Deux d'un coup. Mais bah oui. C'était pas prévu. Vous mais êtes heureuse quand même de ces petits. Oui, c'est que du bonheur. C'est bien que sûr. Du bonheur. Et ici, par contre, j'ai un autre souci avec eux. Et là, je suis contente de vous avoir. En plus, je vais vous voir ce soir avec mon mari. Oui. C'est que nous, on a le système pré-gardiennat en Belgique. Je ne sais pas si vous avez ça en France. Donc, c'est entre la crèche et l'école maternelle. Ah, ils vont vous imposer la vaccination, je sens. Exactement. Voilà. Donc, ici, malheureusement, mardi, lundi déjà, j'étais avec mon mari faire les premiers vaccins. Bon, ils n'ont reçu que la polio. Oui. C'est bien. C'est le seul obligatoire en Belgique, je pense. Mais voilà, c'est ça. Mais le souci, c'est qu'en 2003, il y a une loi qui est sortie comme quoi, quand nos enfants fréquentent un milieu d'accueil, ils font une certaine gamme. Donc là, je me suis battue. J'ai eu l'ONE au téléphone, j'ai eu des hauts responsables. J'ai téléphoné à plusieurs personnes. Oui. Malheureusement, je peux pas passer outre. Oui. Voilà. Non, alors attendez. Vous pouvez quand même leur dire ceci, que vous êtes tout à fait d'accord pour les vaccins qui sont obligatoires de par la loi. D'accord ? Mais que vous ne voulez pas d'aluminium dans les vaccins. Donc, si vous voulez, on vaccine l'enfant. Ce vaccin ? Comment ? Est-ce qu'on peut trouver un vaccin sans aluminium, non. sans mercure? Mais attendez, sans... ils l'ont fabriqué, madame. Le mercure, c'est fini, il n'y en a plus. Mais ah. l'aluminium, il y en a, mais ils ont fabriqué des vaccins DTP contre diphtérie, tétanos, polio sans aluminium. Ils savent parfaitement le faire. Bon, seulement ce qu'ils veulent, c'est injecter à l'enfant un vaccin hexavalent contre 6 maladies qui contient non seulement de l'aluminium, mais également du formaldéhyde, dont l'enfant n'a pas besoin. Ils ont quel âge, vos enfants ? À 19 mois. Ils ont 19 mois. Oui, d'accord. L'hépatite B, ils n'en ont pas besoin. Non, ils n'en ont pas besoin. Ils sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme. Ils ne seront jamais malades. Ils ne seront jamais malades. Ben voilà. J'ai fait ici le vaccin, sincèrement, j'ai fait l'hexavalent. Oui. En question, là, j'ai pas... je suis sortie de chez mon pédiatre, sincèrement, j'avais les larmes aux yeux. Vous avez fait l'examen déjà, c'est déjà fait. Ah ben oui, malheureusement. Bon, mais c'est fait, c'est fait. Voilà. D'accord. Il n'a eu qu'une dose, bon, ils n'ont eu qu'une dose chacun. Ici, j'ai fait rougeole. Non, alors ne faites pas plus. Ne faites pas plus. Ils ont eu la dose. Ils vont vous demander de faire leur appel. Vous leur dites, je fais leur appel s'ils en ont besoin. Pour ça, dosez-moi les anticorps dans le corps de mon enfant. Si les anticorps ne sont pas présents dans le corps de mon enfant, à ce moment-là, oui, il faut faire un rappel. Ah, il y a moyen de faire ça. Alors. On peut demander ça. Bon, on va clore le chapitre vaccin. Oui. Hein, sinon, on va faire une demi-heure là-dessus. Parce qu'il y a tellement d'autres questions qui arrivent. Mais voilà, Déborah, vous avez bien répondu, je pense, à ta question. Et surtout, moi, je voulais qu'elle nous dise, Déborah, comment on conscientise les enfants. Comment on leur parle en effet, mais vous avez raison de dire qu'il faut mettre une petite étiquette de vin sur leur bouteille d'eau et leur faire croire que c'est du bon. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. When you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance, come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop, stop. C'est le tube de l'été, hein, ça, Professeur Joyeux. C'était ça, c'est le tube de l'été qui se prolonge, puisqu'on a quand même encore de très très belles journées. Et c'est pas fini, hein. Moi, j'ai entendu dire qu'on annonçait 30 degrés la semaine prochaine. Donc, je suis tellement heureuse d'avoir ce soleil toujours au rendez-vous. Bon, changer d'alimentation, c'est son conseil, professeur Henri Joyeux, que nous recevons aujourd'hui, qui sera en conférence ce soir. C'est parce que j'ai un anniversaire de mariage, je vous l'ai dit. Hein, oui, il m'avait dit. Parce que sinon, je serais venue. 0498 799 957, si vous souhaitez aller assister à cette conférence, ce sera à Avré, vraiment à quelques kilomètres de Mons, à la salle du Calva. 0498 799 957. Dans quelques instants, nous parlons de ménopause et d'andropause. À mon avis, les deux sont de toute façon liés, avec Patricia qui voudrait vous poser une question. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. À Bruxelles, vous entendez parler de nombreuses langues. Hi. Guten Tag. Hola. Bonjour. Dans les situations les plus diverses. Hey. Oh yeah. Alors. Hey. Au Bruxelles Education Center, trouvez le cours de langue qui vous convient le mieux. Super. Super. Super. Super. Bruxelles Education Center, des langues sans frontières. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival. Les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be. Avec Cap 48 et Vivre Ici. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Le professeur Joyeux, notre intervenant aujourd'hui, notre invité aujourd'hui. Il y a une bonne ambiance en studio, hein, professeur Joyeux. On reviendra excellente, en Belgique. Hein. Ah, oui. Vous voyez, la vie du bon côté, on la vit vraiment à fond. Hein, parce nous qu'on aussi. Est en plein dans la santé. Oui. Oui, et qu'effectivement, vrai. Vous coupez le stress, et en coupant le stress, vous diminuez la quantité de cortisol qui balade dans le sang, voilà. Et qui réduit votre immunité, pas dans le bon sens. Non, mais ça, donc, c'est, sûr. C'est vrai que d'être positif pour notre santé, c'est psychologiquement être positif déjà. Et mon corps me dit merci. Absolument. Si vous saviez comment mon corps me dit « Oh merci Sylvie d'être comme tu es ». C'est comme quand je fais du vélo, c'est mon dos qui me dit merci, ah ben il voilà. me parle, ah ben voilà. Il fait du bien. Oui. Mais quand mon corps me demande un verre de lait le soir, parce que je suis... Oui. Oui, je vous le dis. Mais je vous le dis parce châtaigne? Que ça, c'est moi. De lait de châtaigne. Mais parfois, je... De lait d'amande. Parfois, de lait de noisette. Non, parfois... Essayez. Je... Non, pas... Moi, je connais. Changez mais le goût je connais, pour vos papilles. Je suis lactée. Je voilà. connais, je connais. Mais parfois, j'ai envie d'un bon verre de bon, lait. Bon, ben, faites-vous plaisir. Et je me allez, fais plaisir. Feu vert. Et je dis à mon corps, tiens. Il voilà, est content. C'est pour toi. Il est très content. Patricia, bonjour. Bienvenue, Patricia. Oui, bonjour. Bonjour, professeur. Voilà. Vous parlez de ménopause et c'est bien, Patricia, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Je souhaitais en parler dans l'émission. Oui. Ménopausée, vous l'êtes? Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas une maladie, hein, vous le savez. Déjà, oui. Non, je sais. Mais les labos cherchent à ce que ce soit une maladie. Oui, tout à fait. Pour qu'on vous donne un traitement hormonal substitutif. Voilà, c'est exactement ce qui a été proposé parce voilà. que voilà, j'étais en baisse hormonale. Ouais. Et donc, moi, j'ai totalement refusé ce traitement. Mais je me dis que, bon, est-ce qu'il y a un moyen naturel oui, oui, ou par oui. l'alimentation ? Phytothérapie et alimentation, je vous explique. Voilà. D'abord, phytothérapie, vous allez le retenir, c'est très simple. C'est une tisane le matin d'une cuillerée à soupe de sauge, S-A-U-G-E, bien tassée dans la cuillerée à soupe. Dans un oui. verre d'eau frémissante. Ça, c'est le matin. C'est oui. phytoestrogène. Et le soir, c'est la même chose, mais pas avec de la sauge, avec de l'achillée millefeuille. C'est écrit comme Achille. Achillée et millefeuille. C'est de la phytoprogestérone. Et avec ça, cuillerée à soupe, bien tassée, dans un verre d'eau frémissante. Vous buvez ça. Si c'est amer, mettez un peu de miel, pas de problème. Et là, vous allez résoudre vos problèmes. Seulement, le problème, c'est que la médecine, aujourd'hui, vous stresse et vous crée la bouffée de chaleur. Vous n'en avez pas. Bah, je vous la crée. Vous allez en avoir. On va vous dire, vous avez la sécheresse, vous êtes au pied, votre mari, votre amant va se barrer, etc. Bref, on vous fait une véritable pathologie. Et aux hommes, nous les hommes, on nous dit, ah oui, vous allez avoir l'andropause, ça ne va plus marcher, la pièce maîtresse, ça ne va pas fonctionner, etc. Et vous allez en voir en plus de l'ostéoporose. Poreux, vous allez devenir poreux, vous allez avoir besoin du fauteuil roulant bientôt. Bon, alors, tout ça, oui, ça c'est totalement peur. Abusif. Oui, c'est alors, on vous fait une ostéodensitométrie. Et l'ostéodensitométrie, qu'est-ce qu'on vous fait? On vous donne un résultat. Vous avez une zone verte, il n'y a personne, ça, c'est tout va bien. Puis vous avez une zone jaune, une zone orange. Et là, il y a beaucoup de monde dans l'orange parce que c'est proche du rouge. Et on vous dit, vous avez une petite ostéopénie. Vous avez peut-être des fractures invisibles. C'est très spirituel, ça. Des fractures invisibles, voire des fractures invisibles. Comment fait-on? Et alors, une dame récemment, mais ça, c'est en France, c'est pas en Belgique. Elle me dit, docteur, il y a écrit en bas que j'avais une petite ostéopénie. Qu'est-ce que ça veut dire, le pénis, là-dedans? Qu'est-ce qu'il vient faire? Oh, que j'ai adoré. Voyez. Mais non, madame, en grec, ça veut dire qu'on considère que peut-être vous n'avez pas une bonne ossification. Pour ça, bougez-vous. Ayez une bonne activité physique. Mmh. La piscine, la marche nordique, ce que vous voulez. Mangez du calcium végétal, des amandes, des noisettes, des noix, des olives. Prenez des fruits et des légumes. Prenez des légumineuses, les faites pas trop cuire. Donc vapeur douce, pas trop longtemps pour les légumineuses. Mmh, mmh. Et là, vous aurez le meilleur calcium, car celui-là de calcium, on ne vous le dit pas, mais moi je vous le dis, il est absorbé jusqu'à 75% par votre tube digestif, mmh. Alors que le calcium animal, 25-30% maximum, mais ça, on vous le cache. Ça veut dire que normalement, les 70% qui ne sont pas absorbés, vous devez les retrouver dans les déchets. Mais si vous avez de la porosité intestinale, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça traverse. Ça passe la barrière intestinale et ça va même traverser, maintenant, on le sait, la barrière hémato-méningée. Et vous risquez d'avoir trop de calcium dans votre cerveau. Et le trop de calcium, c'est un interrupteur de la fibre nerveuse. Ah oui. Alors, interrupteur de la fibre nerveuse, c'est comme si quand je veux prendre ce verre qui est devant moi, eh bien, je donne l'ordre à ma main de le prendre et ma main n'obéit pas. Il y a une interruption. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des notions absolument essentielles. Alors, pour votre ostéoporose et pour votre ménopause, madame, ce n'est pas une maladie. Et puis, il faut demander à votre mari, votre compagnon, j'en sais rien, de vous occuper de vous. Hein. Bon, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Essentiel, et c'est les câlins de la tête aux pieds. Et monsieur ne doit aller dans les zones où en général il va assez vite que quand vous lui donnerez le feu vert. D'accord. Vous allez revenir, professeur Joyeux, vous allez revenir me parler de sexualité. Moi je veux parler de ça avec vous. Bien sûr. Je veux parler de ça avec vous, j'aime bien votre discours franc, je veux faire une émission avec vous. Et vous, faites quand même, vous avez quand même fait peur à Michel Drucker quand vous êtes passé chez lui avec sa prostate. Avec sa prostate. D'ailleurs, on a relevé ceci tiens, qui s'est passé pendant l'émission. Une prostate de 100 mm. 100 cm cube, vous vous gavez de produits laitiers. Il y a des hommes qui viennent à la consultation, ils me disent, voilà, ma prostate, j'arrive pas à pisser, je me pisse dessus, etc. Montrez-moi, je vois le dossier, 100 cm cube. Monsieur, vous avez une prostate de veau. Il faut que je vérifie, moi. J'ai adoré ce moment, je crois que je l'ai regardé 3-4 fois hier soir, en me disant, mais quand même, je vais quand même lui faire parler de ça. Attendez, il est hypochondriaque en plus, lui. Absolument. Donc c'était extraordinaire de vous recevoir, parce que je l'ai vu stressant et écoutant, mais vraiment avec deux oreilles comme ça, tout ce que vous avez dit. C'est vrai que ça fait un peu peur aussi, malgré alors, tout. Alors, hein. Récemment, c'est hier, pas plus tard qu'hier, un monsieur qui avait du 130, lui, bon, vous voyez, super beau, hein. Il me dit, est-ce que je peux réduire? Je dis, bien sûr. Mais comment? Un, vous allez me supprimer tous les produits laitiers, vous allez cavaler, vous allez avoir une activité physique qui vous fait transpirer, vous allez supprimer toutes les viandes rouges, charcuteries, etc. Vous allez baisser votre poids, vous allez stimuler votre musculation, vous allez réduire votre masse grasse et le gras qui est autour de la prostate, qui est cancérigène, au passage. Il vaut mieux l'éviter. Bon, eh bien, ce gras, vous allez le faire fondre. Et une de mes collègues de Toulouse, de l'INSERM, donc Institut de Recherche, a démontré que ce tissu gras qui entoure la prostate augmente les risques de cancer prostatique. Exactement comme le tissu gras autour du sein en excès peut augmenter les risques de cancer du sein. C'est la même chose. D'accord. Donc, voyez-vous, avoir une, je dirais, une qualité de vie avec une bonne activité physique, avec une bonne alimentation, en se faisant plaisir, eh bien, c'est la clé pour notre santé. Ça, c'est le mot de la fin, mais on a encore 20 minutes avec vous. Et moi, je les veux, ces 20 minutes avec vous. Vous serez ce soir en conférence dans la région de Mons, à Avray précisément, 0498. Si vous voulez des renseignements, 0498 799 957. La 2, en télé.

chante un baiser, chante un baiser osé sur mes lèvres déposées. Avec le baiser, beaucoup de messages qui vont dans beaucoup de directions différentes. Bien entendu, des personnes qui nous parlent de maladies. Malgré tout, j'ai quand même envie d'en lire quelques-uns. Quelqu'un qui nous parle de la maladie, la mucoviscidose. C'est Virginie, la mucoviscidose. J'ai la mucoviscidose, dit Virginie, dans beaucoup de médicaments. Que me conseillez-vous pour purifier mon foie? Ouais. Très vite. Renforcer mon immunité. C'est prendre du miel et de la propolis dans des concentration tout à fait particulière, vous tapez sur, de ma part, sur miel ou sur secret de miel. Voilà, excusez-moi, www.secretdemiel et vous demandez à Élise, elle s'appelle Élise de son prénom, c'est une femme remarquable qui fait des préparations spéciales pour les mucoviscidoses qui réduisent les infections respiratoires, parce que c'est ça le problème de la mucoviscidose, c'est les infections respiratoires à répétition. Eh bien, avec justement ce mélange de miel et de propolis dans des concentrations tout à fait particulières, vous demandez ça à Élise de Secret de Miel en France, et vous allez avoir ce qu'il faut pour cet enfant. Bon, ça c'est Virginie. Caro, elle dit, le changement d'alimentation va-t-il permettre de diminuer les effets d'une maladie auto-immune déjà installée? Réponse, comme oui. Sclérose en plaques. Oui, oui. Vous en parlez et, dans votre livre. En plus, vous allez faire peut-être de l'apipuncture, c'est pas l'acupuncture, mais apipuncture, c'est avec les abeilles, on va stimuler la zone de votre corps qui est faible sur le plan neurologique pour stimuler. Et c'est parfois plus efficace que des traitements extrêmement lourds qu'on donne en médecine. Pour la ménopause, j'ai entendu le matin, pour le professeur a parlé du matin, la sauge, oui, dans de l'eau frémissante, mais le soir, pas retenu. Achillée millefeuille, comme Achille. Achille millefeuille. Christian nous dit, les fruits en boîte sont-ils valables pour la santé? Non, laissez la boîte, mangez les fruits frais sans la boîte. Oui, c'est vraiment les fruits frais, légumes frais. Le brocoli, j'en ai mangé hier soir. Excellent. Oui, mais faites pas trop cuire. Pas trop cuire. Faites pas bouillir. Non. C'est cuisson à la vapeur douce, ah, 95 degrés, ouais, pas plus. Ouais. Sinon, vous allez fusiller les vitamines, ouais, et fusiller les bons éléments pour votre état respiratoire, mmh, et pour votre immunité. Dans les fruits, vous citez le kiwi? Oui. Très bon, le kiwi. Mais tous les fruits de saison. Mais par contre, le pamplemousse, le jus de pamplemousse. Non, alors, tout dépend si vous avez des traitements. Parce qu'effectivement, en fonction de certains traitements que nous avons en cancérologie ou que nous avons pour les problèmes du cœur, problèmes rénaux, il peut y avoir des interactions négatives. Ah. Bon, tout ça, j'en parle dans le oui, livre. Dans votre livre. Il y a un petit chapitre, juste ouais, pas chapitre, ouais, mais j'en parle là-dessus de façon très précise. Ouais. Donc, les gens peuvent savoir exactement ce qu'il faut faire. Mais moi qui suis en bonne santé, un pamplemousse. C'est bon. Mais c'est entier. Bon. Et je le mastique. Oui, vous le mastiquez. Le ah non, pas le jus, non. Ah ouais, oui, le jus, c'est quand on n'a pas le temps. Laissez joker à joker. Oui. Prenez le pamplemousse. D'accord. Le vin rouge à chaque repas. Le oui, petit verre de vin un rouge. Ballon. Mais le bon, hein. J'ai dit un ballon et j'ai pas dit un litron. Non, et j'ai dit du verre. Bio. Oui. Et j'ai vu qu'il y avait du vin belge maintenant. Bah, bien sûr, ah bah c'est on a tout en Belgique. Ah, mais c'est mieux que le Bordeaux. On a tout. Il ne faut pas revenir. Hein. Ça peut revenir. Joyeux, je peux vous faire vraiment visiter la Belgique, mais de A à Z. Hein. De A à Z, d'accord. D'accord. Mais je vous prends au mot, attention. Oui, vous prendrez un copain avec vous. Hein. Voilà. On sait de qui on parle. Voilà. 070 23 33 23, SMS 30 63. Quand je sors sur Internet, ça va. Quand on surfe à deux, ça va un peu moins. Quand toute la famille s'y met, ça ne va plus du tout. Pour surfer à toute vitesse, même à plusieurs en même temps, profitez de l'internet ultra rapide dans un trio Waouh ou Tatou. Pour la rentrée, vous offre un laptop Acer d'une valeur de 479 €. Un laptop Acer. Plus d'infos dans votre boutique Vous ou au 0800 825. Il s'en passe des choses chez vous. Offre soumise à conditions. Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. Ce vendredi dès 20h, Westland Beveren, Club de Bruges. Ce samedi dès 18h, Eupen, Ostende et Moucron Zultewaregem. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. Vous avez été pris dans le grand rush de la rentrée ? Qu'importe, retrouvez vos contenus radio et télé sur votre plateforme digitale Ovio. Où, quand et comme vous le voulez. Sur tablette, smartphone ou ordi. rtbf.be/Ovio. A-U-V-I-O. Libérez vos envies. Oh. la vie du bon côté. Bon, je redis le titre de votre livre parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent. Sylvie, le livre dont vous parlez, c'est quoi ? On prend l'émission en cours. Professeur Henri Joyeux. Joyeux comme joyeux. Joyeux. Changer d'alimentation. Voilà, c'est ce livre-là, aux éditions du Rocher. 7e édition, revue et augmentée avec index, s'il vous plaît. Ça fait 442 pages. Mais franchement, ça se lit super facilement parce qu'il y a plein de questions, plein de réponses. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Moi, je trouve qu'on lit beaucoup plus facilement quand il y a des questions. Et qu'il y a des réponses, voilà. Et j'avais noté aussi, ah oui, parce que j'avais relevé aussi quelque chose que vous dites, changez, si vous voulez commencer par un commencement, changez vos habitudes alimentaires un trimestre au moins, oui, vous dites. C'est exact. Ça, c'est bien. Parce que ça va demander un peu de temps. Et parfois, pour des personnes qui sont en mauvais état nutritionnel, ouais, pour des raisons, quelles que soient ces raisons, là, il faut un peu être coaché, être accompagné. Et vous avez, il faut le dire, des naturopathes, oui, des nutritionnistes, qui ne sont pas des médecins, qui sont parfois plus compétents que les médecins. Je le dis, je suis médecin. Bon. Pourquoi ? Parce que les médecins s'en foutent. Et ils considèrent, si vous voulez, que le kiwi, c'est pas un médicament. Ça se prescrit pas en ordonnance. Une pomme, ça se prescrit pas en médecin. Pourtant, on dit pomme du matin éloigne du médecin, n'est-ce pas ? Ah bon ? Et c'est ah une oui, excellente idée. C'est une excellente idée. Il y a des choses extrêmement justes, mais quand c'est pas un médicament avec une autorisation de mise sur le marché qui a une AMM, on considère que c'est pas la médecine. Eh bien, ça, c'est faux. Il faut que nous en arrivions à la prévention santé par l'alimentation. L'huile d'olive, je suis contente parce qu'il y a quelqu'un qui me le rappelle et c'est vrai que j'avais pensé de vous le demander parce que vous le citez beaucoup, beaucoup, beaucoup, l'huile d'olive. Alors la meilleure de toutes, elle est en Belgique, elle vient du Maroc. Elle s'appelle comment ? Olivier Plus. Cette Olivier Plus, c'est une huile, je suis allé voir les oliviers, qui essayent de trouver la flotte à travers les pierres, la pierraille au sud du Maroc, pas loin de l'Atlas. Donc, ils souffrent, ils te prennent pendant 2 mois 50 degrés sur la tête. Et quand un olivier souffre, il donne le meilleur de lui-même. Et le meilleur de lui-même, c'est quoi ? Ce sont des antioxydants que vous avez dans l'huile d'olive, dans l'olive d'abord, et ensuite dans l'huile d'olive. Et vous avez Olivier Plus, qui est une huile d'olive que vous pouvez trouver ici en Belgique, tout simplement, dans un petit flacon de 150 ou 250 ml, absolument excellente, qui a fort goût. Et moi, je bénis ma soupe tous les jours avec ça. Tous les jours. Votre soupe ? Mais bien sûr. Mmh. Je bénis ma soupe. Bon, c'est-à-dire, j'ai la soupe et sur la soupe, j'ajoute mon huile d'olive. Mmh. Donc, qui me donne un goût extraordinaire à ma soupe. Et cette huile d'olive contient des antioxydants, anti-vieillissement et anti-cancer. Excellent pour la santé. Mmh. Vous voyez ? Alors, si vraiment vous êtes malade, à ce moment-là, vous pouvez l'avoir en gélule, avec une concentration beaucoup plus importante, mais tout simplement, vous trouvez ça chez Medicatrix en Belgique, medicatrix.be, et vous trouvez ça très facilement. Bon, comment vous expliquez les centenaires ? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques jours, on a parlé d'un village, vous êtes au courant, dans le sud de l'Italie, je ne sais plus le nom du village, mais où il y avait énormément de centenaires. Je vais vous dire, ce sont des gens d'abord qui ont le moral, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la déprime permanente en train de bouffer des médicaments contre la déprime. Bon. Deuxièmement, ce sont des gens qui mangent bien, qui sont heureux, joyeux, si vous voulez, et qui ont un sens de la maîtrise de leur langage et savoir parler aux autres, savoir faire passer des messages, ça c'est extrêmement important, et qui s'alimentent méditerranéen. Quand vous regardez la carte d'Italie, elle est entourée de flottes. Bon. Ouais. Et donc, ils sont avec, d'une part, l'Adriatique d'un côté, de l'autre côté, c'est la mer Méditerranée, mais c'est la même chose. Mmh. Bon, là-dedans, vous avez des poissons, vous avez des fruits de mer, vous avez le fruit de la vigne, des raisins, vous avez du bon vin, vous avez tomates, également poivrons, tout ça, quoi. Mais bien sûr, olives. Tous les produits, si vous voulez, autour de la Méditerranée, c'est la terre, c'est le soleil et c'est la mer. Et le soleil, c'est la vitamine D. Alors, vous savez, récemment, j'étais au Maroc. Et au Maroc, on me disait, pour la vitamine D, beaucoup de médecins prescrivent la vitamine D au Maroc, mais là-bas il fait soleil jour et nuit. Ah bah oui. Et comment se fait-il ? La seule indication de vitamine D, c'est la burqa. Vous savez ce que c'est la burqa ? Oui. Bon, parce que les femmes sont engrillagées, elles ne voient jamais le soleil. Ouais. Bon, donc ça, c'est une indication de vitamine D. Mais la vitamine D à Montpellier, où j'habite, dans le sud de la France, ou au Maroc, Algérie, Tunisie, jamais les gens. Ou alors, ils sont enfermés chez eux, ils prennent jamais le soleil. Le soleil, il faut le prendre aux bonnes heures. Ce n'est pas en plein midi ou en plein cagnard, vous comprenez ? Mais là, vous allez fabriquer la vitamine D sous votre peau, qui est nécessaire à votre équilibre, à la prévention de beaucoup de maladies, dont le cancer du sein. Bon, Le jeûne, tout n'est pas faux, vous dites le jeûne. 30 non, secondes. Ce n'est pas faux. 30 secondes. En 30 secondes, ouais. Le jeûne est excellent si vous devez avoir une chimiothérapie pour mieux supporter la chimiothérapie. Bien sûr, oui, vous en avec parlez. Des extraits de jus de fruits frais, de saison et de légumes. Par contre, si vous êtes dans un état d'obésité, ce qui n'est pas votre cas, à ce moment-là, bah, il faut vous aider. Il faut être suivi, prise de sang. Ouais. On va essayer de vous aider à manger mieux et meilleur, à réduire un peu la consommation de lactose, les produits laitiers dont on a parlé, le pain blanc qui est du sucre, etc. Il faut faire attention. Ouais. Bon, à ne pas mettre trop de confiture sur votre pain. Vite, bon. Je vais vous couper parce qu'on va être coupé. Mais je comprends. J'aimerais bien rester avec vous. Hein. Mais on se reverra, vous m'avez dit. J'espère. Oui. Je veux vous revoir. Avec plaisir. Bien. On a promis. Professeur Joyeux en conférence ce soir à Mons, 0498 799 957. Allez le voir, ça vaut la peine. Merci. Aller-retour à suivre. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Très belle journée à tous. Ambiance estivale cet après-midi avec de 20 à 25 degrés sous un beau soleil. Tout au plus quelques nuages décoratifs. Ce soir et cette nuit, pas beaucoup de changements, un ciel bien dégagé, des minima qui vont s'établir entre 11 et 14 degrés. Et puis demain, de fins nuages d'altitude vont s'inviter sur l'ouest du pays en matinée. Ces nuages vont se faire plus épais dans le courant de la journée, en particulier sur le bord de mer où on pourra avoir un peu de grisaille. Le centre et l'est en revanche vont garder un temps très lumineux. Il va faire chaud à nouveau demain, les températures vont grimper entre 23 et 27 degrés. Dans la nuit de samedi à dimanche, une perturbation peu active va traverser la Belgique. Tout au plus, on aura quelques gouttes, ce qui fait que dimanche, on aura davantage de nuages, mais toujours un temps sec et de 20 à 25 degrés. Avant, pour acheter une voiture, on allait au garage. On s'asseyait dans les bagnoles, on touchait au bouton, on mettait la radio à fond. Enfin, c'était chouette, quoi. Et puis, ça sentait bon, le neuf. Et on discutait des heures avec un mec en costume qui connaissait tout sur tout. Oui, mais ça, c'était avant. Hein. En septembre, Renault lance les portes ouvertes comme avant. Avec des cadeaux, des animations, les toutes nouvelles Clio, Mégane, Talisman et des conditions sur toute la gamme. Ces 10 et 11 septembre, les journées portes ouvertes comme avant, c'est chez Renault Motors, partout dans le Brabant wallon. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Deauville. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, ils ont corrompu le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Vivacité Tour des Sites Organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Et vous écoutez Vivacité, il est 15h. Et à 15h, l'info vous est présentée par Delphine Greux. Bonjour, les numéros d'urgence 100 et 112, inaccessibles dans le Hainaut et dans le Limbourg en tout début d'après-midi, mais ils sont à nouveau joignables, on ne connaît pas encore l'origine du problème. Les patrons de l'aéroport de Charleroi, du Grand Hôpital, du Sporting de Charleroi, avec d'autres, ils ont discuté ce matin de l'avenir du personnel de Caterpillar, Gosselies et des sous-traitants. Autour de la table également, le bourgmestre de Charleroi et ministre-président wallon Paul Magnette. Le Forum jouera les intermédiaires. La priorité, c'est la sauvegarde des emplois existants. Et lorsqu'ils rencontreront la semaine prochaine les directeurs américains de Caterpillar, les politiques insisteront aussi pour qu'un maximum de sous-traitants puissent continuer à travailler avec le géant américain, mais pour le site de Grenoble, une